Un café citoyen, c'est un débat d'idées sur une... Un café citoyen, c'est avant tout un lieu convivial. Un café citoyen, c'est pas une conférence. Et c'est un échange, un partage. Ce qui importe le plus, c'est vraiment la participation des citoyens. En écoutant les opinions de chacun, de se faire une idée. Le principe est d'avoir des personnes ressources qui s'expriment sur une courte durée. Et ensuite, un débat est lancé avec les présents dans la salle. Bon, moi, je vais juste vous faire une brève introduction. En citant ce que c'est qu'un peu que l'extrémisme, qui est une tendance à adopter une opinion extrême, radicale, exagérée, poussée jusqu'à ses conséquences extrêmes. Certaines idéologies ou doctrines en font partie, telles le Ku Klux Klan, le néonazisme, le fascisme, la mouvance identitaire, bien sûr le Front National. Alors, selon l'historien Michel Vinocq, 9 points le caractérisent. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, en fait, de dégager. La haine du présent qui est considérée comme décadent. La nostalgie d'un âge d'or. L'éloge de l'immobilité par rapport au changement qui lui est banni. La nostalgie du sacré, qu'il soit moral ou religieux. La peur du métissage génétique. La censure des mœurs, liberté sexuelle, homosexualité. Et l'anti-intellectualisme. Alors moi, je vais poser là cette question, comment les partis d'extrême droite, qui refusent d'ailleurs souvent cette appellation, qui ne veulent pas qu'on les appelle partis d'extrême droite, arrivent-ils à se servir de ces différentes manières de penser le monde pour en convaincre la société? Et je fais référence à certains articles parus dans Le Monde diplomatique. Donc au mois de mars, il y avait le carburant social justement de la droite polonaise, en mars 2016. Le Front National verrouille l'ordre social en janvier 2016. Les trois visages du vote FN en décembre 2015. Et dans Le Monde diplomatique du mois de mai, il y a un article intéressant aussi qui s'appelle « Quand la précarité généralisée mène au Front National », le titre de l'article est « Dans le Nord, emploi en miettes et sentiment d'abandon » de Gilles Balbastre. Et il y a un livre qui m'a paru aussi intéressant, bon, qu'on peut toujours noter, « Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques » de Georges Bronner, aux éditions de Noël. Je te passe la parole. Oui. Ben, moi, je vais présenter le ici. Puisque, bon. J'ai fait une liste, mais qui n'est pas exhaustive, hein, du carburant social. Alors, je dirais qu'en France, c'est le Front National qui tire parti du mécontentement populaire. Pourquoi ? Une économie en panne. Un chômage dont la courbe s'envole. La hantise du déclassement et de la précarité. Une protection sociale menacée. Des services publics menacés. Un projet européen qui n'en est plus un. Une crise environnementale majeure. Une vague migratoire. Des attentats de masse. Un parti socialiste qui partage avec la droite la responsabilité de politique néolibérale. Les grands partis de gauche et de droite qui ont en commun comme projet de se maintenir indéfiniment au pouvoir. La justice française qui n'arrive pas à passer chez les élus en charge de l'État. La politique nationale cadenassée par les traités européens de politique néolibérale. Une insécurité collective avec le sentiment que le collectif national est en passe de perdre son rang mondial sous les coups de boutoir de la mondialisation. L'établissement de la globalisation, la validation du changement climatique, la financiarisation du capitalisme et l'érosion des économies sociales sont autant d'éléments qui frappent de plein fouet dans leurs chairs et les consciences, les populations les plus éloignées des centres de décision politique et qui, sans capacité de comprendre intuitivement ces mouvements, s'en sentent les victimes. Donc, je pense qu'au cours de la discussion, vous aurez d'autres éléments à apporter, hein, mais pour l'instant, moi, j'ai noté ça. Alors, quelle est la question qui est posée? Quelle question nous posons-nous le carburant social de l'extrémisme de droite. Comment le définit-on ? Voilà. Comment le définir ? Voilà. Et comment le combattre ? Et après, en dernière partie, comment y remédier ? Voilà. Il faut dire que la définition de l'extrême droite a un peu évolué. Certains politologues appliquent le mot d'extrême droite à la droite, l'extrême droite, des années 30. Ils parlent plutôt maintenant de droite radicale. Parce que l'extrême droite refusait d'abord la voie électorale. Hitler a été élu une première fois avec une majorité relative, mais il n'a jamais provoqué d'autres élections, jusqu'en 1945. Après, bon, il n'est plus là. Mussolini, je ne sais pas. Franco, non plus. Hein. Donc, c'est une grande différence. La droite radicale actuelle accepte la voie parlementaire, ne la combat pas. Il subsiste en Europe de très petits partis, des groupuscules néo-nazis, Aube Dorée en Grèce, le Parti National au Danemark, en Grèce, c'est Laos. Curieusement, un parti dont le sigle est Laos, L-A-O-S, en Grèce. Mais tous ces partis, en fait, sont ultra minoritaires, font des scores entre 1 et 2%. Par contre, les autres font des scores beaucoup plus importants. Et malheureusement, je crois que c'est la France qui détient le pompon. Il y a un élément qui est l'élément identitaire. Alors, l'élément identitaire, c'est très important pour les partis de droite, radicale ou d'extrême droite. Ces gens-là disent que nous avons un héritage. Nous avons eu des ascendants, nous vivons actuellement ici et nous aurons des descendants. Et tous ces trois niveaux ont un héritage en commun. Et un héritage qui doit rester invariant et homogène. Autour, bien sûr, d'une religion commune. C'est le pilier de cette identité. Alors d'où, pour ces gens-là, le rejet de l'islam. Parce que l'islam est une religion importé. Et c'est aussi un des piliers de leur pensée. Donc voilà, l'identitaire est un élément important de l'extrême droite. Je ne sais pas si de parler de radicalisme, c'est une bonne chose. Parce que, pour parler de l'extrême droite, parce que le mot radical, ça vient de racine. Ça a été rappelé dans de nombreux journaux, évidemment pas les journaux officiels qu'on a l'habitude de lire, mais ça a été rappelé quand même, même Raphaël Laugier le rappelait tout à l'heure sur une chaîne de télévision. Le mot radical, ça vient de racine. Et effectivement, c'est aller jusqu'au bout des choses. Donc, quand on fait une révolution, y compris de gauche, on est aussi dans voilà, on a un objectif, on va aller jusqu'au bout. Et effectivement, on prend racine dans une conception du monde, dans un rapport au monde. Et je pense qu'on est souvent comme ça dans des confusions de vocabulaire qui fait que, d'ailleurs ça arrange bien l'oligarchie, parce que quand même l'oligarchie adore le vocabulaire confus, adore les bon. Il y a quand même quelque chose qui est précis, c'est le carburant social et l'extrémisme de droite que l'on traite aujourd'hui. Déjà, il y a eu toute une série de choses que j'ai citées tout à l'heure qui pouvaient expliquer là où est puisé ce carburant social. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi il est là aujourd'hui, de quoi il se sert en fait. Pour compléter l'information sur l'Autriche, donc vous avez suivi les élections, sûrement vous connaissez un peu les résultats, l'extrême droite 35%, les partis sociodémocrates et droite en place ont fait 11-12, et il y a un parti écologique qui a fait 24, voilà, en gros. J'ai cité deux paramètres. Une économie en panne, un chômage dont la courbe s'envole. C'est pas vrai en Autriche. Dernière chose, ils ont reçu 90 000 migrants sur un peu moins de 9 millions de personnes. Là, il y a peut-être quelque chose d'historique, c'est qu'en Autriche, effectivement, il n'y a jamais eu de mea culpa, contrairement à l'Allemagne. Exactement. Au niveau du nazisme, exactement. Ce qui s'est produit historiquement. C'est vrai qu'ils ont toujours rejeté la faute entière sur les Allemands. Ils s'en sont bien lavé les mains, alors que quand même, Hitler a été triomphalement accueilli en 1938 à Vienne. La France est un peu parent quand même avec l'Autriche, au niveau du mea culpa, au niveau du balayer devant sa porte. La marche entre les deux, où est-ce qu'on en est ? C'est vrai que l'Autriche a un passé fasciste et nazi qu'elle a su. Je crois quand même qu'on a affaire effectivement à un ultralibéralisme mondial. Qu'on retrouve cet ultralibéralisme mondial à l'échelle européenne, que effectivement cet ultralibéralisme utilise la crise, c'est une utilisation de la crise pour effectivement faire passer le droit privé vers le droit public, pour effectivement démanteler les services publics, pour comme il y a des concurrences entre les pays, puisque c'est la compétition et la concurrence entre les pays qui est la règle, pour que cette concurrence puisse faire de la compétitivité, on fait baisser les salaires. Voilà, donc il y a effectivement un fondamentalisme ultralibéral face à d'autres fondamentalismes religieux ou autres, et on est effectivement là dans une guerre des fondamentalismes. Alors comment en sortir ? Il n'y a pas que la politique non plus néolibérale qui nourrit les extrémismes, il y a aussi un certain ordre social. J'ai été très étonnée de voir que des communistes, dont je ne citerai pas les noms, puissent rejeter autant ceux qui les entourent, donc les musulmans. Ça, je ne pensais pas qu'un communiste était capable de faire ce rejet communautariste. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, il peut y avoir un seuil. Un notaire qui me disait à Mol, à l'époque où je travaillais et que je vendais des maisons à des Anglais, il me disait « Faites attention, parce qu'il y a un seuil que les Français ne supporteront plus. À partir d'un certain nombre d'étrangers qui sont en France, il y a un rejet naturel de celui qui, soi-disant, vient prendre la place. Il y a un seuil à ne pas dépasser. Je ne connais pas le seuil, mais il paraît qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Les Anglais ? Oui, les Anglais, oui, aussi. Ben oui, il y avait des gens qui rejetaient aussi. C'est quand même... je pense que la France a été au cœur de plein d'intégrations, des Italiens, des Portugais, des Espagnols. S'ils ont été rejetés au début, en tout cas, ils ont été intégrés. On ne peut pas dire qu'il y ait un seuil pour ces populations-là qui ont eu un seuil. Oui, mais ils n'ont pas été intégrés facilement. Non, oui, mais ils ont été intégrés. Non. Avec le temps, ils l'ont. Avec le temps, oui, avec le temps. Il y a un mal-être social, des inégalités qui grandissent ou qui stagnent. Tous les paramètres que vous avez donnés, effectivement, rentrent en ligne de compte. C'est le mal-être. Et dans ce mal-être-là, social, à cause des grandes inégalités, du chômage, etc. Il y a plein de raisons. Il faut un responsable. Et le responsable, à l'époque du nazisme, ça a été, ou avant le nazisme d'ailleurs, ça a été les juifs. Maintenant, c'est les musulmans ou d'autres. Mais il faut toujours un responsable, surtout pas soi. Hein, et c'est ça la grande injustice. Mais je crois que c'est ça qu'on cherche, un responsable. Et étant donné que c'est dans l'inconscient collectif, tout le monde adhère à ce genre de choses. Il y a un responsable, et les responsables, c'est ça. Et là, ça marche du tonnerre, on suit. Sauf que les vrais responsables, c'est Bill Gates et ses compagnies, hein, qui ne paient pas leurs impôts. C'est pour ça que je préfère le terme bouc émissaire. Oui, mais j'ai dit, il y a beaucoup de paramètres qui créent ce malaise social. Mais il faut un responsable, parce que la société est malade. Je me rappelle que quand il y a eu une des manifestations contre la loi El Khomri, je suis allée me garer au parc Saint-Martial, il pleuvait, parce que c'est celle où il pleuvait tant, c'était une des premières. Et j'avais mes pancartes, mes chiens, mes trappes, je ne sais plus. Et je suis sortie, j'avais des trucs sur Merci Patron, enfin, je suis sortie et au dernier étage, en bas du parking Saint-Martial, il y avait des jeunes. Et je leur ai filé des trucs de Merci Patron en leur disant que c'était un film sur Bernard Arnault, le patron de LVMH. C'est des jeunes qui avaient l'âge du lycée, entre 15 et 20 ans. Ils m'ont dit « Oh ouais, Bernard Arnault, oui, c'est un bon patron, LVMH, c'est une bonne marque. » Voilà, bon. Des trucs à paillettes, quoi, l'admiration des riches et tout ça, c'est... Voilà. Et plus d'éducation populaire, plus d'éducation politique des gens. Ils n'identifient pas que s'il y a des pauvres, c'est quand même parce qu'il y a des riches. C'est déconnecté, quoi. Il y a aussi, face aux inégalités, aux injustices, il n'y a pas une alternative crédible. On nous a dit que le communisme était mort avec la chute du mur de Berlin, que quand on voit le Parti Socialiste, on ne peut pas appeler ça un Parti Socialiste. Donc les gens sont un peu perdus et ils se retournent vers le Front National qui, d'ailleurs, moi je pense qu'il faut continuer à l'appeler extrême droite et fasciste. Qu'ils en ont encore tout un pan et les fréquentations qu'ils ont sont clairement fascistes. Jean-Marie Le Pen, il arrivait quand même à faire la synthèse au niveau des antisémites, des royalistes, des néo-nazis. Il a réussi quand même à fédérer tout le mouvement des droites extrêmes. Et sa fille bascule légèrement vers la gauche, mais il y a sa nièce. Mais quand je dis bascule, elle a un discours. Hein. Moi, je n'y crois pas du tout. Hein. C'est vrai qu'on retrouve l'extrême droite, alors le FN et certains partis d'extrême gauche, sur les mêmes thèmes. C'est eux qui tiennent sur l'extrême gauche. Parce que pour moi, les partis fascistes, dans les années 20-30, ils se développent, c'est pour contrer le communisme. Et là, ils font une espèce d'usurpation pour profiter du mécontentement. Le capitalisme, comme on a pu le connaître avant la Deuxième Guerre mondiale et maintenant ce qui arrive avec la financiarisation, je pense que c'est deux mondes différents. Les capitalistes avant étaient quand même avec la conception de la nation. Les nouveaux, là, maintenant, ils s'en moquent royalement. Eux, ce qu'ils font, c'est du business, et les États, ils n'en veulent pas. Justement, ils veulent casser les États. Et c'est pour ça que je pense que l'extrême droite a recentré, a dévié un petit peu au niveau de son discours. Mais il n'empêche que ça reste des fascistes. Pour essayer d'avancer dans le débat, je reprends l'article sur la Pologne, et effectivement, moi, j'aime bien la conclusion. Il y a quelques membres d'ATA qui sont ici. Donc, effectivement, il y a M. Adamski, l'un des fondateurs d'ATA en Pologne, qui milite au parti de gauche Ensemble, et qui termine, alors je ne vais pas lire toute la citation, mais juste la fin. Le plus désolant, c'est que Kaczynski ne sera pas stoppé par les défenseurs de la démocratie, il sera discipliné par les marchés financiers qui s'opposeront à la mise en œuvre de ces mesures sociales et protectionnistes. Donc effectivement, voilà un bon argument pour dire à tous ces gens d'extrême droite, de toute façon, vous ne changerez pas le capitalisme, vous n'allez pas nous protéger du capitalisme. Enfin, ça, c'est un des éléments très forts, effectivement, qu'il faut répéter. 1930 et maintenant au niveau du patronat, le patronat de droit divin, c'est le même que même actuellement. Le droit divin, il était limité, Michelin était limité à Clermont-Ferrand, maintenant Michelin est dans le monde, Arnaud il est dans le monde. On était blanc, catholique, on essayait de tripoter ses enfants par le fils du patron, on fermait sa gueule dans les corons. C'était ça, qu'est-ce que c'est maintenant? J'écoutais un journaliste qui parlait des rapports, mais c'est vieux comme le monde, des rapports des chiffres d'affaires des multinationales. Il citait Mitsubishi qui a le chiffre d'affaires de la Pologne. Une entreprise, le chiffre d'affaires de la Pologne. Alors les Polonais, ils peuvent voter comme ils veulent. Les grosses boîtes, ils n'en ont rien à parler, ni de la France, ni de machin. Leur nation, eux, c'est ça, la monnaie. Renata, oui. Oui. Je réfléchissais que, en fait, actuellement, il y a une perte de repères, pour le plus grand nombre, à la fois une perte de repères historiques, d'où nous venons, ce qu'est notre démocratie, qui est en train de se diluer à travers, justement, les coups de boutoir de tout l'ultralibéralisme. Et il y a une perte de repères aussi géographique, puisqu'on est dissolu dans cette espèce de mondialisation ou cette espèce d'Europe qui a beau mettre des barbelés un peu partout pour savoir qui elle est, n'existe plus non plus. Et c'est cette double perte de repères qui fait qu'actuellement, les gens vont éventuellement les prendre parti pour quelqu'un qui leur paraît carré. Solide, un socle, là, pof. Et donc la problématique, c'est comment redonner des repères, comment aider à une reconstruction et historique, et dans le sens transversal. Mmh. Voilà, c'est un peu ça la problématique. On est perdu dans des pensées qui datent du siècle passé. On est construit sur le siècle passé. Et on est paumé dans le présent. Je parle de chacun d'entre nous, puisqu'on est quand même de la génération construite dans le siècle passé. Ouais, quelques jeunes, quand même. Il y a quelques plus jeunes, d'accord. Heureusement. On avait des schémas qui étaient construits, valables. pour alimenter ce système destructeur et autodestructeur. Non. Donc on est quand même tous co-responsables de cette espèce de monde qu'on est en train de détruire, voilà, parce qu'on est complices, on collabore, oui, on collabore au système mondial. Moi, je regrette, on collabore. Marie-Jeanne, franchement, tu poses une question, on est tous responsables, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Quelles sont les solutions concrètes? Est-ce que tu en as des solutions concrètes? Grève générale. Qu'est-ce qu'on fait tous là? Est-ce que se prend par la main pour se dire, enfin, on va faire quelque chose de concret pour en sortir? Bon sang, il y a toujours des choses quand même qui peuvent être faisables. Il y a quand même des gens qui essayent de faire autre chose, à la fois des jeunes et des moins jeunes, j'allais dire peut-être plus des jeunes même que des moins jeunes. Parce que Renata disait tout à l'heure que nous, les vieux, on était restés dans l'esprit d'une époque. Oui, et en même temps, si je regarde mon cas, j'ai énormément évolué. Parce que autrefois, c'est le curé qui me disait où je devais voter, pour qui je devais voter. Hein. Après, il y a des choses qui se font. Moi, je suis plus porté sur l'agriculture parce que. J'étais maraîcher en agriculture-biologie. Et voilà, il y a des jeunes qui modifient, qui ont d'autres formes un petit peu d'échanges déjà économiques. Alors ça va pas loin, c'est vrai que c'est pas énorme, et puis on reste coincé dans un système avec des technocrates qui nous obligent un petit peu je vois, quand j'ai arrêté la mutualité sociale agricole, qui était notre sécurité sociale agricole, jusqu'à un certain temps, ça, c'était pas trop compliqué, quoi. Et après, ça commençait à devenir, je vous emmerde du point de vue administratif, quoi. Surtout si t'es un petit agriculteur, quoi. Et là, c'est sans commune mesure, quoi. Voilà. Après, les votes, c'est vrai que moi, ça m'emmerde, quoi. J'avoue que le vote tel que c'est actuellement, comment on arrive à élire des gens, je me dis, c'est pas les gens que j'ai voulu élire, c'est pas... Et c'est vrai que je me sens pas du tout... j'allais dire, je me sens pas responsable en même temps, parce que j'ai pas voté pour eux. Et en même temps, c'est vrai que, ces gens-là, d'abord, ils font exactement le contraire de ce qu'ils ont dit juste avant, et puis ils sont complètement dépendants, effectivement, des multinationales, mais aussi parce que on a une économie qui dépend complètement de... On va dans les supermarchés, et vas-y que je t'achète, et puis il y a la télévision qui nous dit, voilà, qui nous fait de la pub à tour de bras. Non, mais à propos du vote, d'accord, ça ne résout pas tout, mais c'est encore un droit qu'on a, alors je crois qu'il ne faut pas le laisser aux chiens. Il y a ça déjà. Ensuite, je vais répondre à Marie-Jeanne quand elle dit il n'y a aucun parti qui. Moi je suis désolée, mais il y a quand même des gens d'Europe, de Dilimke, de la Grèce, d'Italie avec Fascine. Essayez d'élaborer un plan B, tu n'es peut-être pas d'accord, mais. Qui gouverne? Moi j'aimerais bien que ce soit le peuple. Le peuple ne gouverne pas. Il y a effectivement des commissaires européens qui eux-mêmes subissent des lobbies, qui eux-mêmes, etc., travaillent pour des multinationales. Donc les peuples, que ce soit le peuple français, le peuple espagnol ou le peuple grec, on observe jour après jour ce qui se passe en Grèce, c'est l'horreur. Bon, on voit comment les Allemands se sont manifestés en masse contre le TAFTA, plus qu'en France. Bon. Donc moi, la question que je me pose, c'est quelle est ma part de citoyenne dans ce pays qui lui-même est dans cette Europe qui elle-même appartient à qui? À quelques oligarques et technocrates. Voilà, c'est ça mon problème. Bien sûr que j'irai voter, bien sûr que j'irai voter peut-être pour le moins mauvais, mais enfin, j'aurai quand même en tête toutes les critiques que j'ai à formuler sur cette économie qui nous domine, mais vraiment, et qui est en train de nous priver de notre citoyenneté, de notre pouvoir de choisir notre mode de vie, de notre pouvoir, effectivement, de décider ensemble comment on veut bien un stade, mais pas forcément un stade provincial, etc., etc. On veut bien des transports en commun, mais quel transport en commun? Qui va payer? Et comment on fait? Donc là, on est complètement dépossédé de notre pouvoir de dire comment on a envie de vivre, comment on gère, effectivement, nos impôts. puisqu'on est en train de nous flatter, de nous faire avaler encore des couleurs. On va diminuer vos impôts, mais tous ceux qui devraient payer des impôts, des milliards et des milliards, eux, ils ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Voilà, c'est ça le sens de mes remarques. Hein. Ce n'est pas que je suis en train de vouloir dire tout ce pourri. Je pense qu'il y a une espèce d'un peu de grosserie du sujet entre le carburant d'extrême droite et la masse monte pas mal. Mais, ça, c'est bien vrai. Mais je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens, puisqu'en fait, ce constat que le monde, c'est un peu la Bérésina, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de rationnel. C'est quelque chose qu'on va quand même sentir aux tripes en discutant, en allumant la télé. Et je pense en fait, beaucoup de gens vont le sentir. Et justement, le Front National se pose en solution, en disant, voilà, on sort de l'Europe, c'est le protectionnisme et tout va aller pour le mieux. Et justement, il y a peut-être deux personnes plus rationnelles qui voient bien qu'en fait, ce que propose le Front National, ce n'est pas du tout une solution. Donc je pense que quelque part, on est assez proche des acteurs du Front National, puisque nous aussi, on va sentir ce... mal, mais voilà, c'est vrai qu'on ne voit pas la solution. Juste une petite chose, comme vous disiez que le peuple ne gouverne pas, etc., je pense que si chacun a envie un petit peu, il peut faire, on parlait des alternatives un petit peu tout à l'heure, si chacun, vous savez, c'est un peu l'histoire du petit colibri qui amène sa goutte d'eau pour éteindre le feu qui ravage la forêt. Si chacun fait un petit peu, moi je pense que le peuple, il peut tout à fait gouverner. On disait tout à l'heure que c'était l'argent qui gouvernait le monde, et ben qu'on fasse en sorte que ce ne soit plus le cas. Quoi. Absolument. Mais si tout le monde se met ensemble, en quelques jours, c'est plié quoi leur affaire. J'en suis persuadée. Mais il faut que tout le monde se mette ensemble. Et il y a des gens que ça arrange, je pense, de rester dans ce système-là, parce que quelque part c'est rassurant, c'est quelque chose qu'on connaît, ça ne nous convient pas, on crie sur les politiques, nanana, ok. Et ça nous rassure parce qu'on a ce cadre-là. Mais on peut changer les choses. On fera rentrer les milliards qui sont dans les paradis fiscaux facilement. Mais je ne vous parle pas d'argent là.